Yesterday, I talked about Sariputta and Moggallana Thera, how they met the teachings of the Buddha. They were not Buddhist disciples at the beginning. They were Brahmins, the youth Brahmins. Then they had sense of urgency. Hier, je vous ai parlé de Sariputta Thera et de Moggallana Thera, qui au départ n'étaient pas des disciples du Bouddha, mais des Brahmanes. Je vous ai expliqué comment ils ont trouvé le Bouddha et comment ils ont trouvé son enseignement. Pris par un besoin pressant de trouver l'état sans mort, Amata, ces deux brahmanes se mirent en quête d'un professeur qui allait pouvoir leur apporter une réponse à leurs questions. Le premier professeur qu'ils rencontrèrent ne fut pas en mesure de leur apporter ce qu'ils demandaient, l'état sans mort. Un jour, le futur Sariputta se trouvait à Rajgaha. Il rencontra Asajjitera, un disciple du Bouddha, à qui il posa certaines questions. Au moment où il écoutait attentivement la réponse, Upatissa, le futur Sariputta, atteint le fruit du Sotapanna. Il avait trouvé Amata, l'état sans mort. Il se rendit alors chez son ami Kolita, le futur Moggallana, qui atteint également le fruit du Sotapanna au moment où il écoutait l'enseignement. À deux, ils se rendirent alors chez le Bouddha pour lui demander la permission d'être ordonné, et cela leur fut accordé. Les deux amis se mirent alors à méditer dans le but de réaliser les étapes supérieures d'illumination. C'est alors que Moggallana fut pris par la somnolence, sa tête penchait vers l'avant. De son œil divin, le Bouddha le vit et se rendit auprès de lui pour l'encourager. « Moggallana, ta tête tombe-t-elle ? Oui, vénérable, je suis pris par la somnolence. » Le Bouddha lui expliqua alors comment on surmonte la somnolence pendant la méditation. « Aujourd'hui, je vais donc poursuivre mon enseignement à propos de la somnolence et je vais vous parler des méthodes que propose le Bouddha pour la surmonter. La première de ces méthodes consiste à changer d'objet. La somnolence peut être due à la nourriture, elle peut être due au manque de sommeil, elle peut être due à la concentration elle-même. C'est possible, lorsque l'esprit est bien concentré sur l'objet, qu'il note facilement, la somnolence peut s'infiltrer. Le Bouddha recommande donc de changer d'objet. Au lieu de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, on abandonne ces objets et on note la posture assise et le toucher. On peut également ajouter d'autres objets. On note alors soulèvement, abaissement, assis, toucher. Pour noter ainsi quatre objets, il faudra fournir un effort tout particulier et être très alerte, très vigilant. Ceci va avoir pour effet que la somnolence va disparaître. Il est donc possible de se débarrasser de la somnolence par ces deux méthodes. Mais la somnolence est très souvent due à un manque d'effort. Le méditant essaye de noter les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, mais il n'arrive pas à maintenir son esprit fixé sur l'objet. Son énergie mentale est faible et ceci donne le champ libre à la somnolence. Si l'énergie mentale était développée, la somnolence ne pourrait pas facilement s'infiltrer. Lorsque donc la somnolence est en vous, vous devez commencer par la noter attentivement. Si cela ne suffit pas, vous pouvez soit changer d'objet, soit ajouter des objets. Il y a encore une autre méthode qui consiste à réfléchir. Vous connaissez peut-être des suttas et vous réfléchissez à la signification de ce texte. Votre intérêt sera peut-être éveillé et ceci va avoir pour effet que la somnolence va disparaître. Cette méthode s'adresse tout particulièrement aux moines qui ont étudié les Écritures, qui connaissent bien l'enseignement du Bouddha, l'Abhidhamma. Ils connaissent également les sermons. Les laïcs n'étudient pas souvent les Écritures, mais ils ont cependant certaines connaissances auxquelles ils peuvent également réfléchir. Vous connaissez par exemple les attributs du Bouddha. Chaque matin, nous les récitons. Essayez de réfléchir à la signification de ces qualités. Que veut dire Arahant? Que veut dire Sammasambuddha? Mais si vous ne connaissez pas encore ces mots palis, vous ne pourrez pas réfléchir à leur signification. C'est pourquoi, pour les débutants, il est préférable d'utiliser les deux premières méthodes pour se débarrasser de la somnolence. Changer d'objet ou ajouter des objets. N'utilisez la réflexion que si ces deux premières méthodes ne donnent pas de fruits. Il peut parfois être très utile d'essayer de réciter par cœur des suttas. Chaque matin, vous m'entendez réciter l'un ou l'autre des Paritta Sutta, les sermons de protection. Parfois, c'est le Mangala Sutta, parfois le Ratana Sutta, et le plus souvent, c'est le Metta Sutta que je chante. À m'entendre ainsi chanter ces suttas, vous aurez peut-être envie de les apprendre par cœur. Lorsque donc vous serez pris par la somnolence pendant la méditation, profitez-en pour essayer de les mémoriser. Choisissez les textes ou les phrases que vous voulez. Essayez par exemple de mémoriser Bouddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Vous pouvez également essayer de répéter mentalement la formule que nous récitons tous les matins, Iti Pisso Bhagava. Choisissez les formules que vous voulez, mais n'oubliez pas que la première chose à faire lorsqu'on est pris par la somnolence, c'est de la noter. Vous répétez mentalement, somnolence, somnolence. Et ce n'est qu'après que vous passez aux autres méthodes. Vous pouvez également vous frotter le visage ou les oreilles. Vous pouvez vous lever et aller vous rincer le visage. Ceci va peut-être vous rendre plus alerte. Mais vous pouvez également rester dans la salle et imaginer que vous êtes assis en pleine lumière. Lorsqu'on se trouve dans un endroit sombre, l'esprit va progressivement s'assombrir et il va devenir lourd. Ici, la méthode consiste à s'imaginer être assis au soleil en pleine lumière. C'est une autre façon de combattre la somnolence. Mais si cela ne donne toujours pas de résultat, levez-vous, quittez la salle et allez pratiquer la marche à l'extérieur. Parcourez la piste de long en large d'un pas rapide en notant « marcher, marcher, marcher ». Faites cela pendant 10 ou 15 minutes. Soyez très alerte, très vigoureux. Ne marchez pas lentement. Si vous êtes pris par la somnolence, vous êtes donc autorisé à quitter la salle. Cela va peut-être la faire disparaître. Du temps du Bouddha, c'était surtout les moines qui pratiquaient la méditation. Et ils ne le faisaient pas en groupe, mais pratiquaient séparément chacun de leur côté. Toutes ces méthodes convenaient donc s'ils étaient pris par la somnolence. Mais de nos jours, on pratique en groupe dans une salle. Et il faut donc tenir compte des autres. La récitation à haute voix des textes est une méthode qui n'est pas recommandée. Pour ma part, je demande aux méditants de lutter contre la somnolence en la notant très attentivement. Notez très attentivement la somnolence. Le Bouddha nous demande de faire un puissant effort. Faites preuve de beaucoup d'énergie mentale pour noter la somnolence avec détermination. Pour que l'esprit pénètre l'objet, il faut qu'il soit très éveillé. En notant ainsi la somnolence de façon pénétrante et vigoureuse, l'esprit va devenir plus alerte et la somnolence ne pourra plus s'introduire. Il est possible que la somnolence vous envahisse après le petit déjeuner. Ne soyez pas déçus. Notez simplement somnolence, somnolence. Comprenez que la somnolence ne sera pas présente à toutes les séances. C'est souvent le matin tôt ou après le petit déjeuner ou encore après le déjeuner. Elle ne sera présente qu'une ou deux fois par jour tout au plus. Faites donc l'effort de la noter de façon assidue. Mais vous pouvez également adopter les autres méthodes et noter assis, touché. Lorsque vous notez la posture assise, vous devez observer le corps dans la posture assise et le visualiser, jambes croisées, le dos bien droit. Vous notez attentivement, assis, de façon à expérimenter quelque chose. Et lorsque vous notez touché, ce sont les sensations de contact que vous devez observer. Il y en a beaucoup dans le corps. Par exemple, l'endroit où les fesses sont en contact avec le sol. C'est souvent ce contact-là que les méditants choisissent, mais vous êtes libre d'en choisir un autre si vous le souhaitez. Quel que soit le contact que vous aurez choisi, vous devez vous focaliser sur cette zone et observer attentivement la sensation de toucher. Lorsque vous notez ainsi, assis, touché, il faut le faire de façon pénétrante. N'observez pas de façon superficielle. Après quelque temps, vous expérimenterez alors certaines choses. Et si vous réussissez à expérimenter, cela va avoir pour effet que votre esprit va se réveiller, vous serez intéressé. Votre esprit va devenir alerte et vous ne vous endormirez plus aussi facilement. En vous frottant le visage ou les oreilles, vous ne dérangez pas les autres méditants non plus. Cette méthode convient donc parfaitement. La réflexion non plus ne dérange pas les autres méditants. Par contre, la récitation à haute voix pourrait déranger les voisins. Si donc vous vous sentez somnolent, vous pouvez vous frotter le visage ou les oreilles. Vous pouvez vous imaginer assis en plein soleil ou sous un fort éclairage, même si ce n'est pas facile, car l'esprit est engourdi et ne réussit pas à faire un effort. Lorsque la somnolence est vraiment paralysante, vous pouvez sortir et pratiquer la marche. Moggallana Thera atteint l'état d'arhat en une semaine. Quant à Sariputta Thera, il a eu besoin de 2 semaines pour y arriver. Leurs 250 disciples y sont arrivés plus rapidement. Moggallana et Sariputta ont dû faire un effort tout particulièrement intense car ils avaient fait le vœu de devenir les 2 disciples les plus importants du Bouddha. Sariputta Thera était celui des élèves du Bouddha qui détenait le plus de sagesse. C'est lui qui comprenait le mieux le Dhamma après le Bouddha. Moggallana Thera était celui qui avait le plus de pouvoir psychique après le Bouddha. Ils devinrent donc les 2 plus grands disciples du Bouddha. Par respect pour Asajjitera qui lui avait permis d'atteindre l'état d'arhat, Sariputta Thera lui rendait régulièrement hommage. Ce détail mérite d'être mentionné. Comment Sariputta rendait-il hommage à son professeur? Il cherchait tout d'abord à savoir où il se trouvait, se tournait alors dans cette direction et s'inclinait. Lorsqu'il se couchait, il gardait toujours la tête dirigée vers l'endroit où se trouvait Asajjitera. Il faut savoir que si vous deviez vous allonger dans cette salle, c'est votre tête qui devrait être dirigée vers la statue du Bouddha. On ne dirige jamais les pieds vers le Bouddha. C'est la raison pour laquelle, lorsque Sariputta savait que son professeur était à l'est, il s'inclinait dans cette direction et lorsqu'il allait se coucher, il veillait à ce que sa tête soit toujours dirigée vers l'est. Lorsqu'il savait que son professeur était au nord, il rendait hommage dans cette direction et lorsqu'il allait se coucher, gardait la tête dirigée vers le nord. À le voir faire ses prosternations, les moines pensèrent que Sariputta n'avait pas renoncé à ses anciennes pratiques de brahmane, qui consistent à rendre hommage aux quatre directions. Rendre hommage au nord, à l'est, à l'ouest et au sud est une tradition brahmanique. Voyant donc Sariputta rendre hommage à ces quatre directions, les moines se dirent: Oh, Sariputta n'a pas renoncé à ses anciennes croyances. Et ils rapportèrent l'incident au Bouddha. Le Bouddha demanda à Sariputta si c'était vrai. Non, répondit Sariputta, ce n'est pas aux directions que je rends hommage, mais à Asajjitera, mon professeur, car c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer le Bouddha et trouver l'état sans mort, Amata. Le Bouddha approuva son comportement et expliqua aux bhikkhus qu'il est du devoir de chacun de rendre hommage à son professeur. J'ai fait une parenthèse à propos de Sariputta Thera et de Moggallana Thera pour que vous sachiez comment ces deux grands disciples du Bouddha ont fini par trouver ce qu'ils cherchaient, l'état sans mort. Revenons-en maintenant à la somnolence et à Moggallana, qui était pris par cet empêchement au moment où il méditait. Le Bouddha lui donna ses différentes méthodes pour réussir à se débarrasser de la somnolence. Nous aussi, nous sommes très souvent pris par la somnolence pendant la méditation. Comme je viens de vous l'expliquer, elle peut se manifester le matin tôt ou après le petit déjeuner ou après le déjeuner, elle sera alors due à la nourriture. Dans ce centre, vous êtes autorisé à vous reposer pendant 10 ou 20 minutes pour vous rafraîchir l'esprit et faire disparaître cette somnolence due à la nourriture. Vous devez donc voir par vous-même pourquoi vous êtes somnolent. Vous verrez peut-être que c'est très souvent à cause d'un manque d'énergie. Il faut alors noter énergiquement et attentivement si vous voulez vous en débarrasser. Mais il est possible également que la somnolence soit due à la concentration. Je vous l'ai déjà expliqué. Vous notez facilement les mouvements de l'abdomen. Vous le faites sans interruption. Votre esprit est bien focalisé sur l'objet. Et la somnolence s'infiltre petit à petit. Votre tête commence à pencher vers l'avant. Il faudra alors que vous ajoutiez des objets. Vous notez soulèvement, abaissement, assis, toucher. Mais il est possible qu'à l'entretien, le professeur vous donne encore d'autres conseils. J'ai constaté que ce n'est pas à cause des pensées sensuelles que le yogi est découragé. Il ne se plaint pas non plus de la colère, de la malveillance, de la méchanceté, lorsque ces états d'esprit se manifestent dans son esprit. Mais c'est toujours de la somnolence qu'il se plaint. Oh, je suis paralysé par la torpeur. Il semble extrêmement déçu. Il aimerait pouvoir noter clairement les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Il aimerait voir tous ces objets sans difficulté, mais ce n'est pas le cas et il est très découragé. Il faut alors que je l'encourage. Ne vous en faites pas. La somnolence est l'ami du méditant. Un vrai yogi doit expérimenter la somnolence. Si je ne les encourage pas de cette façon, ces méditants pourraient prendre prétexte de la somnolence pour rentrer chez eux. But when they experience sleepiness, they are so disappointed. Sometimes, with encouragement, I have to tell them, don't worry, sleepiness is yogi's friend. must experience sleepiness. Without sleepiness, you are not yogi. Must help. Otherwise, they will be discouraged. Then they will give the reason, oh, I cannot practice meditation because of the sleepiness. I will go back home. They give the reason. Maybe another reason, not a true reason. But I must encourage them. Sleepiness is our friend, you know. Don't go back. So, I have explained about the hindrances for 3 days. That's enough for today. May you be well and happy. May you be able to practice meditation diligently. Through your practice, may you understand the Dhamma clearly as they really are, then attain Nibbana.